reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne demeure pas immobile, car tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment de perfides complots contre ton peuple. Ils conspirent contre ceux que tu protèges. Ils ont dit venez, exterminons-les du milieu des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ils se concertèrent d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Oh mon Dieu, traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson. Ennemis soient confondus.